Quelle ne furent pas mon horreur et mon étonnement quand, rentrant à la maison, le premier objet qui frappa mon regard fut mon petit bonhomme, l'espiègle compagnon de ma vie, pendu au panneau de cette armoire. Ses pieds touchaient presque le plancher. Une chaise, qu'il avait sans doute repoussée du pied, était renversée à côté de lui. Sa tête était penchée convulsivement sur une épaule. Son visage, boursouflé, et ses yeux, tout grands ouverts, avec une fixité effrayante, me causèrent d'abord l'illusion de la vie. Le dépendre n'était pas une besogne aussi facile que vous pouvez le croire. Il était déjà fort roide, et j'avais une répugnance inexplicable à le faire brusquement tomber sur le sol. Il fallait le soutenir tout entier avec un bras, et avec la main de l'autre bras, couper la corde. Mais, cela fait, tout n'était pas fini. Le petit monstre s'était servi d'une ficelle fort mince qui était entrée profondément dans les chairs, et il fallait maintenant, avec de minces ciseaux, chercher la corde entre les deux bourrelets de l'enflure pour lui dégager le cou. J'ai négligé de vous dire que j'avais vivement appelé au secours, mais tous mes voisins avaient refusé de me venir en aide, fidèles en cela aux habitudes de l'homme civilisé qui ne veut jamais, je ne sais pourquoi, se mêler des affaires d'un pendu. Enfin, vint un médecin qui déclara que l'enfant était mort depuis plusieurs heures. Quand, plus tard, nous eûmes à le déshabiller pour l'ensevelissement, la rigidité cadavérique était telle que, désespérant de fléchir les membres, nous dûmes lacérer et couper les vêtements pour les lui enlever. Le commissaire, à qui naturellement je dus déclarer l'accident, me regarde de travers et me dit « Voilà qui est louche !» Mû sans doute par un désir invétéré et une habitude d'état de faire peur, à tout hasard, aux innocents comme aux coupables. Restait une tâche suprême à accomplir, dont la seule pensée me causait une angoisse terrible. Il fallait avertir les parents. Mes pieds refusaient de m'y conduire. Enfin, j'eus ce courage. Mais, à mon grand étonnement, la mère fut impassible, pas une larme ne suinta du coin de son œil. J'attribuais cette étrangeté à l'horreur même qu'elle devait éprouver, et je me souvins de la sentence connue. Les douleurs les plus terribles sont les douleurs muettes. Quant au père, il se contenta de dire, d'un air moitié abruti, moitié rêveur, « Après tout, cela vaut peut-être mieux ainsi. Il aurait toujours mal fini. »